Le lièvre gris par Léon Tolstoï. Un lièvre gris vivait pendant l'hiver près du village. Un soir, comme la nuit tombait, il dressa une oreille, écouta, dressa l'autre, remua ses moustaches, flaira et s'assit sur ses pattes de derrière. Puis il sauta une fois, deux fois sur la neige profonde, s'assit de nouveau sur ses pattes de derrière et se mit à regarder autour de lui. De toutes parts, rien que la neige, épandue par couches onduleuses et brillantes comme du sucre. Au-dessus du lièvre, une vapeur glacée, laissant transparaître les étoiles larges et lumineuses. Le lièvre avait la grande route à traverser pour arriver à l'air. Sur la grande route, on entendait un traîneau grincer, les chevaux s'ébrouer, les sièges gémir. De nouveau, le lièvre s'arrêta. Des moujiks marchaient près du traîneau, le col du cafetan relevé. Leurs barbes, leurs moustaches, leurs cils étaient blancs. De leurs bouches et de leur nez, une buée s'exhalait. Leurs chevaux étaient couverts de sueur, une sueur qui se condensait en glaçons. Ils tiraient du collier, s'enfonçaient et revenaient dans l'ornière. Les moujiks, les rejoignant, leur donnaient des coups de fouet. Deux vieillards marchaient côte à côte, l'un racontait à l'autre comment on lui avait volé un cheval. Quand le convoi fut passé, le lièvre sauta sur le chemin et s'enfuit doucement vers l'air. Le petit chien du convoi l'aperçut, se mit à aboyer et s'élança à sa poursuite. La neige amoncelée ralentissait la course du lièvre et le chien lui-même s'embourba au bout d'une dizaine de bonds. Le chien s'arrêta, le lièvre s'arrêta aussi, resta un moment assis sur ses pattes de derrière et repartit tranquillement pour l'air. Chemin faisant, il rencontra deux lièvres dans un pré. Ils viandèrent et jouèrent ensemble. Le lièvre s'ébattit un instant avec les camarades, fit avec eux un trou dans la neige glacée, mangea quelques grains des semailles d'automne et se remit en route. Dans le village, tout reposait, les feux éteints. On n'entendait de la rue que les pleurs d'un enfant dans quelque isba et les craquements du gel dans les poutres. Le lièvre arriva dans l'enclos et trouva là d'autres camarades. Il joua avec eux sur l'air déblayé, mangea l'avoine d'un cuveau entamé, monta par le toit couvert de neige dans la grange, puis, sortant par un trou de la haie, il revint sur ses pas et regagna son ravin. À l'orient, l'aurore se levait, les étoiles allaient pâlissant, et la vapeur glacée s'épaississait au-dessus du sol. Au village prochain, les femmes s'éveillaient, allaient à l'eau, des moujiks passaient, portant leurs provisions, des enfants criaient et pleuraient. Sur la grande route, les convois cheminaient plus nombreux et les charretiers parlaient plus fort. Le lièvre franchit le chemin, s'approcha de son ancien gîte, se choisit un peu plus haut un autre emplacement, creusa la terre, se coucha au fond de son nouveau gîte, abaissa ses oreilles sur le dos et s'endormit les yeux ouverts. Ici se termine Le lièvre gris de Léon Tolstoï. Enregistré par Christiane Johanne.